toujours se plaisent. Ces jours des amoureux prennent en vacances, chantent sous les étoiles une romance, bercée par les accents de la guitare. Les plus tendres aveux sont des silences. Luna caprese, fai innamorare, fiere du temps passé. Vieille dentelle, témoin de tout l'amour des cœurs fidèles. Luna, luna, tu, luna caprese. Avec toi, je voudrais finir ma vie. Ooh.